وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue cette série dans l'explication de Umdat al-Ahkam, Kitab al-Zakat. On a vu plusieurs fois la définition de al-Zakat fi al-Shara, dans la législation. Et on a dit huwa ta'abbudu lillah, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala bi ikhraji qadrin makhsous, en s'acquittant d'une quantité spécifique. On n'a pas encore vu la quantité. Min malin makhsous, comprend d'un bien spécifique. Quel bien spécifique? Ah là, je suis devant là. Quel bien spécifique? La zakat, elle, on a déjà vu quel type de bien spécifique pour la zakat. Donc or, argent, quoi d'autre? Hein? Donc les produits impérissables, ça c'est, on va dire, donc ça c'est zakat, la zakat qui concerne les grains et les fruits, les animaux. La devise, barakallahu fik, aussi qui est associée à l'or et l'argent. Tayyib. Et donc, c'est le fait de s'acquitter d'une quantité spécifique qui est tirée d'un bien spécifique à un moment spécifique. Quand? El-Hawl. El-Hawl, c'est un an pour l'instant. El-Hawl, c'est un an pour l'instant. Après, on va modifier encore. Inch'Allah. Et donc, à un moment spécifique, prise d'une personne spécifique. Qui? Les riches. C'est qui les riches? Ceux qui dépassent le Nissab. D'accord? Les riches, ce n'est pas les luxembourgeois. Ok? Et donc, ceux qui dépassent le Nissab. Qui va être donné aux pauvres? Qui sont... Qu'un aux pauvres? Qui va être donné à... Donc, Al-Fukara, Al-Masakin, Al-Amilin, Aliha. Qui d'autre? Al-Gharimin. Firriqab. Il nous en manque encore. Fi sabilillah, ça c'est important, c'est ce qu'on verra aujourd'hui, inshallah ta'ala. On a quoi encore? Ceux qui ramassent la zakat. On a déjà dit, al-amilin, donc ceux qui ramassent la zakat. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulub wal mu'allafati qulubuhum. Et donc ceux qu'on cherche à attirer leur cœur. Il nous manque encore le voyageur. Barakallahu fik. Et donc la zakat, elle peut être donnée à tous ces types de personnes. Elle peut être donnée à tous ces types de personnes. On a vu précédemment donc le hadith qui concerne, j'avais dit dans la traduction, j'avais dit la quantité imposable. Et aujourd'hui, pendant que je roulais, je me suis dit, je pense que c'est mieux de dire le seuil imposable. Le seuil imposable. Et donc, on avait donc vu quel est le seuil imposable pour l'or et l'argent. Ça, on l'avait vu. Je pose la question ou... Non. En sachant qu'il y aura des questions à la fin. Pas à la fin du cours, mais dès qu'on finit le chapitre, inshallah ta'ala, bi-idhnillah, vous allez trouver des questions sur le site. Inshallah ta'ala, des questions concernant tous les points qu'on a vus pendant le cours pour voir, chacun pourra tester ses compétences, voir s'il a bien maîtrisé le sujet ou pas. Inch'Allah ta'ala. Donc vous pouvez encore retourner vers les audios. Alhamdoulilah, ils sont sur le site. Alors, aujourd'hui on continue. C'est-à-dire qu'on va continuer sur le même hadith qu'on a vu précédemment. Et on va voir plusieurs questions qui sont liées à ce qu'on a déjà vu. Hal yajuzu sarfu zakati fi tullab al-ilm? Est-il permis de donner la zakat aux étudiants en sciences? Et donc, il y a une divergence entre les ulémas. Pourquoi? Parce que on a vu les différents types de personnes à qui on peut donner la zakat. Et parmi les différents types de personnes à qui on peut donner la zakat, il y a fi sabilillah. Ça veut dire quoi, fi sabilillah? Certains savants ici, ils ont dit que les étudiants en sciences, ils rentrent aussi dans ce verset. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète, Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Ô prophète, jahidil kuffar, combat les incroyants ainsi que les hypocrites. Une personne qui ne raisonne pas correctement va penser que ce qui est voulu par là ici, c'est donc que le combat avec l'épée, avec les armes, etc. sache qu'on a un problème. Dans Sunan Abi Daoud, alors que les compagnons rentraient d'une bataille, il y a un hypocrite qui s'est moqué des musulmans. Un hypocrite qui s'est moqué des musulmans. Alors Omar radiallahu anh, il a dit, « Ya Rasulallah, da'ni adrib unuqa hada al-munafiq. » Il a dit, « Ô messager d'Allah, laisse-moi m'occuper de cet hypocrite. » C'est-à-dire que Omar, il voulait le tuer. Et là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Là, il lui a dit non. » Il lui a dit non. « La yatahaddathu nas anna muhammadan yaktulu ashabahu. » On ne veut pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. C'est des hypocrites. Des personnes qui rusent pour attaquer les musulmans de l'intérieur. Est-ce que les musulmans, ils ont combattu les hypocrites? Ils n'ont pas combattu les hypocrites. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas combattu les hypocrites. Il priait avec les hypocrites. Et vous savez quoi encore? Qui était la tête des hypocrites? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Qu'est-ce qui s'est passé à sa mort? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est un homme qui détestait le messager d'Allah. Et c'est lui qui est concerné dans ce hadith. Il le détestait. Il faisait tout pour ruser, pour atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cet homme est mort, son fils, qui lui était musulman, il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander son vêtement afin de l'utiliser comme kefen pour son père. Le prophète, il a accepté. Et ensuite, il lui a demandé, est-ce que tu peux prier sur lui? Est-ce que tu peux prier sur lui? Qui? On parle de qui? Le plus grand des hypocrites. Le prophète, il a accepté. Omar, il est venu, il a dit, oh messager d'Allah, innahu munafiq, c'est un hypocrite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, khayyarani rabbi, mon Seigneur ne m'a pas interdit, il m'a donné le choix. Istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum. Implore le pardon pour eux ou n'implore pas le pardon pour eux. Il m'a donné le choix. Alors je fais. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé prier sur lui et c'est après cela que Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit. Et c'est après cela que Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit formellement de prier sur les munafiqin. Et donc ici, on comprend de ce verset que ce qui est voulu par le mot djihad, c'est pas un combat par les armes, c'est pas ce qui est voulu par là, puisque le prophète, il ne l'a pas fait. Le prophète, il ne l'a pas fait. Mais ce qui est voulu ici, c'est l'ilm, la science. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Il combattait avec celui-ci. Avec quoi? Avec le Coran. D'un grand djihad. Et donc, le mot djihad que les gens veulent salir partout et qu'ils nous font croire que c'est quelque chose qui fait peur. Comme on a dit, le mot djihad a beaucoup de sens. Et le djihad par la science, le fait de prêcher les gens, de leur montrer la vérité, de leur montrer c'est quoi l'islam, de leur montrer quelles sont leurs ambiguïtés. Tu vois là, en haut là, tu montes près de l'église, tu vois un chrétien, tu lui poses une question, tu dis j'ai une question, juste une question, je peux vous poser une question? Qui a envoyé Jésus? Question simple. Qui a envoyé Jésus? S'il répond Dieu, à ce moment-là tu lui dis donc Jésus n'est pas Dieu. Puisqu'il y a un qui a envoyé l'autre. Donc Jésus n'est pas Dieu, l'histoire elle est réglée. Arrêtez de nous dire que Jésus c'est Dieu. Puisqu'ils nous disent que c'est le même. Ou alors ils vont te dire, non, Jésus n'a pas été envoyé. Ah, et là tu viens avec les versets bibliques. Celui qui m'a envoyé. Et donc tu viens, il est important, c'est bien de pouvoir montrer aux gens la vérité. Et avec quoi tu fais ça? C'est avec l'ilm. Est-ce qu'on peut donner la zakat aux étudiants en sciences? Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et d'autres parmi nos meshikhs, ils disent, naam, oui, tu peux donner la zakat aux étudiants en sciences, ils rentrent dans ce verset. Mais à condition, attention, à condition que celui-ci, yatafarrar li talab al-ilm. À condition que celui-ci, il accorde pleinement son temps pour l'étude de la science. S'il a un travail à côté, c'est fini. C'est celui qui accorde pleinement son temps pour l'étude de la science. Alors à cela, on peut leur donner la zakat. Tayyib, on a besoin de mosquée. Est-ce qu'on peut donner la zakat pour la construction d'une mosquée? Non. Tourihat? Ah. Non, on peut pas. Parce que ça rentre dans aucun des 8 types de, donc, de personnes ou de groupes à qui on peut donner la zakat. Non. Je sais que c'est non. Puisque je pose la question. C'est fils Abilillah. Peut-être des gens vont se poser. C'est sûr que c'est fils Abilillah. Puisque dans tous les cas, tout ce que tu fais pour Allah, c'est fils Abilillah. Tout ce que tu fais pour Allah, c'est fils Abilillah. À tel point que les gens, ils ont utilisé ce mot-là maintenant pour dire gratuit. Pas pour dire pour Allah. Tu donnes quelque chose à quelqu'un gratuitement, même si tu n'as pas l'intention pour Allah, il va te dire fils Abilillah. Donc, tout ce que tu peux faire pour Allah, c'est fils Abilillah. Mais ce qui est voulu dans ce verset ici, c'est quelque chose de bien spécifique. La propagation de l'islam. La propagation de l'islam et faire en sorte que l'islam soit élevé. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, soit élevée. Tayyib, est-il permis de donner la zakat à son enfant, ou aux enfants de ses enfants, à son père, à son grand-père, ainsi de suite? Donc là, il y a juz. Alors, mais là on parle de ceux qui sont au-dessus ou en dessous. Voilà, al-usul ou al-furu'. Al-usul, al-ab ou al-jad ou ma'ala. Donc le père, le grand-père, tout ce qui est au-dessus. Al-furu', le fils, le petit-fils, ainsi de suite. Les ascendants et les descendants. Les ascendants et les descendants. C'est permis ou c'est pas permis? Alors, les ulama, ils disent, Cheikh Ibn al-Uthaymin, il dit, Yajuzu bi sharti an la yaskutu wajib. An la yaskuta wajib. C'est-à-dire que tu as une obligation, il t'est obligatoire de dépenser pour un tel. Il t'est obligatoire de dépenser pour un tel. Si tu lui donnes la zakat, tu ne pourras plus faire cette obligation puisque tu lui as déjà donné la zakat. À ce moment-là, on te dit, non, tu ne peux pas donner à un tel. Par contre, Ton petit-fils, est-ce qu'il t'est obligatoire de dépenser pour lui? Non, c'est à son père. C'est à son père de dépenser pour lui. Mais ton petit-fils, il est dans une situation difficile. Tu peux lui donner la zakat. Parce que là, ça ne fait pas tomber une obligation. Tu as encore ton obligation de dépenser pour un tel. D'accord? Ton grand-père, même chose. Il ne t'est pas obligatoire de dépenser. Parce que ce sont ceux qui sont les plus proches qui doivent dépenser. Toi, tu es éloigné. Tu es plus éloigné de ton grand-père que ton père. Tu es plus éloigné de ton petit-fils que ton fils. Ce n'est pas à toi qu'il est obligatoire de dépenser. Et donc, il est important de comprendre ça. Idnillahi ta'ala. Al-Rajul, oui. Les tantes, il n'était pas obligatoire de dépenser pour les tantes. Donc, tu peux donner la zakat. Les tantes et les frères, en fait. Tout ce qui est tantes, frères, etc., c'est le même degré. Ces gens-là, ils n'étaient pas obligatoires de dépenser pour eux. D'accord? Donc tu peux donner la zakat à tes tantes. Et d'ailleurs, les savants, ils disent que c'est mieux de donner la zakat à tes proches, tantes, grands-pères, etc., plutôt que de la donner à des étrangers. Parce que ça, en même temps que d'accomplir l'acte d'adoration, qui est le fait de s'acquitter de l'aumône obligatoire, tu vas aussi participer au fait de resserrer les liens de parenté. Et ça, c'est important aussi. Et donc, tu vas faire deux actes d'adoration en même temps. Ensuite, un homme, il a chez lui une somme qui est en dessous du seuil imposable. À lui, en dessous du seuil imposable. Son épouse, elle a aussi une somme. En dessous du seuil imposable. Tous les deux. Mais les deux réunis, ils dépassent le seuil imposable. Ils payent la zakat ou pas? Non? La femme, c'est son argent. La femme, c'est son argent et l'homme, c'est son argent. Taïeb. Ensuite, on a vu aussi un point important. Barakallahu fikoum. Et ça, c'est un sujet de débat. Zakat el-huli. Puisqu'on a parlé de l'or et de l'argent. La zakat concernant les bijoux. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ça, c'est un sujet de débat. Les savants, ils ont divergé. Concernant les bijoux que tu ne portes pas, là, il y a zakat. Tu dois payer la zakat. Pourquoi? Parce que cet argent-là, ce bien-là, c'est comme si c'est de l'argent que tu as mis de côté. C'est comme si c'est de l'argent que tu as pris et que tu as mis de côté. Aujourd'hui, ils ont les pépites d'or, par exemple. Tu prends des pépites d'or que tu mets de côté. C'est pareil. Il faut pas expliquer cette intention à la base. C'est-à-dire l'argent que tu mets de côté. À l'acheter ces bijoux-là, c'est pour le dihar. C'est pour le dihar. C'est-à-dire tu les mets de côté, tu les mets pas. C'est pas pour les mettre. C'est pas pour les mettre. Là, il y a la zakat. Le deuxième cas, la femme, elle a des bijoux, or, argent, elle les met, elle les porte. Certains savants, ils disent que non, là, il n'y a pas de zakat. Il n'y a pas de zakat. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas ce genre de bijoux qu'elle va utiliser pour payer ses affaires. Et donc là, ce n'est pas comparable à l'or et l'argent qu'on utilise pour faire nos achats. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est qu'il y a la zakat. Obligatoire. Pourquoi? Dans Sunan Abi Daoud, أنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكة. Et donc, dans Sunan Abi Daoud, qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y avait dans la main de sa fille, excusez-moi, pas meseka, mais mesekaten, il y avait dans la main de sa fille deux bracelets en or. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que tu t'acquittes de l'aumône concernant cela? Elle a dit là. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima siwarayn min nar yawm al-qiyamah. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: est-ce qu'il te plairait que Allah, à cause de cela, il te donne au jour de la résurrection deux bracelets en feu? Parce que tu ne payes pas la zakat pour ces deux bracelets. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle les a retirés, elle les a jetés, et elle a dit que c'est l'illahi wa rasouli. Elle n'est pas allée chercher divergence, hein, comme on a aujourd'hui. On va chercher un savant qui nous dit, ouais, mais peut-être que... Elle n'est pas allée chercher. Alhamdulillah, elle a eu le nas. Tout de suite, retire, allez hop. Lillahi wa li rasoulihi. C'est pour Allah et son messager. Dans Sunan Abi Daoud, toujours, selon Aisha radiallahu anha, qalat dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fara'a fi yadiya fatakhat min warik. Alors elle dit à Aisha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu la voir et il a vu dans ses mains des bagues en argent. Des bagues en argent. Ce sont des bagues toutes rondes. Fatakhat, c'est des bagues toutes rondes. Il n'y a pas le bout en haut, là, comme on peut voir parfois dans certaines bagues. Alors, il lui a dit, « Ya Aïcha, ma hadha ya Aïcha. » Qu'est-ce que c'est que cela, ô Aïcha? « Sana'atuhu atazayyanu bihi lek. » Elle lui a dit, « Je les ai fabriqués et je m'embellis pour toi avec cela. » Je m'embellis pour toi avec cela. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit jazakillahu khayran. Il a dit atu'addina zakata hadha. Est-ce que tu payes la zakat pour ça? Oui, tu t'embellis pour ton mari. Alhamdulillah. Mais est-ce que tu payes la zakat pour ça? Elle a dit là. Elle a dit non. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Huwa hasbuki minan nar. C'est-à-dire cela te suffit comme cause pour entrer dans le feu. Le fait que tu ne t'acquittes pas de l'aumône de ces bijoux. Et donc il est obligatoire à la femme de s'acquitter de l'aumône concernant les bijoux qu'elle a. Qu'elle les porte ou qu'elle ne les porte pas, à condition bien sûr qu'elle dépasse le seuil obligatoire. Inch'Allah ta'ala. Ensuite dans ce hadith, dans ce même hadith, on va conclure, inshallah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: wa la fi maduna khamsati awsuqin sadaqa. Et donc, en dessous de 5 awsuq, il n'y a pas de sadaqa. On avait dit que el awsuq c'était combien? Situn sa. C'était 60 sa, el awsuq. Et donc, 5 awsuq, on est passé à 300 sa. Le sa, on a dit c'est combien de kilos? À peu près. On avait donné une limite 3 kilos. Avec 3 kilos, tu es au-dessus. D'accord? Tu es au-dessus de ce qui t'est demandé, mais on met une limite de 3 kilos. Et donc, 300 sa fois 3 kilos, ça nous donne 900 kilos. Si tu as 900 kilos de date, tu payes. Donc, il t'est obligatoire de t'acquitter de la zakat. Toi, On a nos frères, les responsables de la mosquée. Ils se disent, cette année, pendant Ramadan, on va permettre aux gens de faire de bonnes actions. On va acheter des bonnes dates, hein, qu'on va faire venir. Mais c'est là qu'on va avoir la divergence. Est-ce qu'on les fait venir d'Arabie, d'Algérie, du Maroc? On ne va pas se battre. Et donc, on fait venir 1000 kilos de dates. On fait venir 1000 kilos de dates. Et on dit aux fidèles qu'il leur est permis d'acheter les dates dans le dépôt et de les distribuer aux fidèles pour rompre le jeûne pendant tout le mois de Ramadan. Taïb, là, on a 1000 kilos de dates. Est-ce qu'il est obligatoire à la mosquée de s'acquitter de la zakat? Non, on n'est pas dans la même catégorie, là. Pourquoi? Alors, déjà, c'est plus de la récolte. C'est plus de la récolte, barakallahu fik. Voilà ce que je voulais entendre. La zakat, elle n'est pas obligatoire à celui qui possède cette quantité-là. Elle est obligatoire à celui qui fait la récolte. Celui qui fait la récolte, qui les possède et au moment de la récolte. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu vas acheter 3000 kilos de raisins secs. Quelqu'un vient te voir, te dit « Yahriyaz zakat ». Tu dis « De quelle zakat tu parles ?» Non, non. C'est concernant celui qui fait la récolte, pas celui qui a acheté après. Est-ce que c'est bien compris? Et donc, la zakat concernant les fruits et les grains, le haoul, c'est pas au bout de un an. C'est au moment de la récolte. C'est au moment de la récolte. D'accord? Donc, la zakat concernant les fruits et les grains, le haoul, le moment de la zakat, ce n'est pas après que tu aies détenu ces biens-là pendant un an, c'est au moment de la récolte. Tayyib, et on va détailler un peu plus ce sujet au prochain cours. Inch'Allah ta'ala, waffaq Allah al-jami'a lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.